Question 7. Placé où je suis sur cette autoroute, je dois rouler au moins à 130 km/h, réponse A. 110 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. 80 km/h, réponse D.